La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la mathématique et ses vertiges. La physique moderne n'a rien d'une bureaucratie des apparences. Je veux dire par là que les lois qu'elle fait siennes n'ont pas été déduites d'une simple observation du spectacle du monde. Elles ne relèvent pas d'un plagiat des réalités visibles. L'univers a beau être exhibitionniste, il n'est guère très pédagogue en matière de lui-même. Pour le comprendre, nous devons donc utiliser notre esprit pour le travailler au corps. Au corps, oui, mais pas dans un corps à corps trop serré. En prenant au contraire de la distance, en décollant notre nez des données brutes qu'il nous livre. Mais par quel moyen? Eh bien grâce notamment aux mathématiques, qui toujours nous invitent à effectuer des pas de côté, à décaler notre point de vue, à nous lancer dans des écarts de pensée, par lesquels le monde en vient à décoïncider avec ce qu'il nous montre. Presque à chaque fois, nous avons aussitôt le vertige, car nous pressentons que notre entendement, pris à contre-pied, est forcé de se reconfigurer de fond en comble. Alors pour évoquer ces vertiges réguliers que provoque la fréquentation des mathématiques, j'ai invité Michael Launay, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, vous expliquez les mathématiques d'une façon très originale, grâce notamment à votre chaîne YouTube qui s'appelle MicMath. Oui, c'est bien ça. Qui a 420 000 abonnés. C'est ça, exactement. Et vous transmettez également votre passion pour les mathématiques grâce à des livres, dont le dernier s'intitule « Le théorème du parapluie », avec comme sous-titre « L'art d'observer le monde dans le bon sens ». C'est-à-dire qu'il y a un mauvais sens. Alors est-ce que pour vous, la transmission des mathématiques par les vidéos que vous mettez sur votre chaîne YouTube est complémentaire de la transmission par les livres? Est-ce que c'est deux choses complémentaires ou qui se recouvrent en partie? Alors, il y a des recouvrements, évidemment, il y a une transition qui peut se faire entre les deux, mais c'est deux médias qui sont très différents et qui permettent de faire passer des choses vraiment très, parfois opposées. Les vidéos, c'est des formats courts, ça permet d'aller rapidement au but et de montrer des choses qui peuvent émerveiller un peu de manière immédiate, de montrer des belles choses, c'est très visuel. Par contre, dans des petites pastilles vidéo, parce que les vidéos que je fais durent rarement plus de 20 minutes, et en général, c'est plus autour de 10 minutes, on peut pas s'installer sur la longueur, on peut pas faire un développement, on peut pas rentrer dans les liens qui existent entre les différents sujets. Et c'est aussi ça qui est intéressant et qui est passionnant dans la science en général et dans les mathématiques en particulier. C'est, à un moment donné, de voir des sujets qui peuvent paraître différents et de créer des ponts entre ces sujets, ces disciplines. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas lire ou regarder une vidéo pendant plus de 20 minutes? Parce que c'est une activité passive alors que la lecture est plus active? Alors, on pourrait regarder une vidéo, mais c'est vrai qu'il y a une question de rythme aussi. C'est-à-dire, quand on regarde une vidéo, si elle dure 20 minutes, elle dure 20 minutes, on est obligé de suivre le rythme. Alors, bien sûr, on peut faire des retours en arrière, on peut regarder, mais ça rompt un peu le visionnage et le rythme de la pensée. Un livre, on le lit à son rythme. On peut s'arrêter, on peut relire une phrase deux fois, on peut poser le livre 30 secondes et se dire, voyons voir, qu'est-ce que je viens de lire, est-ce que je comprends? On peut regarder un peu le monde autour de soi et se dire, est-ce que vraiment j'arrive à comprendre, à sentir en moi ce que signifie ce que je viens de lire sur le mécanisme de l'univers? Mais vous-même, Michael Launay, qu'est-ce que vous préférez faire, des vidéos ou des livres? Moi, je crois que je préfère un peu écrire des livres. Je dois avouer que c'est un peu... parce que de mon point de vue aussi, c'est aussi un rythme plus lent. Ça permet voilà, de créer, d'élaborer le plan, de se dire « Ah, on peut aller faire des recherches » et se dire « Tiens, tel domaine, là, ça va créer un lien avec ça. » Et l'élaboration du plan d'un livre... C'est vraiment un moment qui est très jubilatoire, qui est très agréable, de se dire dans quel sens, dans quel ordre on va mettre les choses pour que d'un seul coup tout s'enchaîne et pour que d'un seul coup une pensée paraisse limpide, alors qu'au départ ça ne l'est pas. C'est-à-dire que naturellement, quand on regarde le monde, les choses sont très complexes. On se demande dans quel ordre c'est arrivé, comment est-ce qu'on va comprendre tout ça. Et puis trouver le bon ordre, la bonne façon de montrer les choses, pour que d'un seul coup, on se dise « ça y est, c'est ça le bon sens », c'est-à-dire que de trouver le bon angle qui va faire que « ça y est, là j'ai compris, ça provoque un déclic ». Je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé lire votre livre « Théorème du parapluie », mais avant qu'on aborde quelques-unes des questions que vous traitez dans cet ouvrage, je voulais vous rappeler la définition du mathématicien qui a été donnée par un grand théoricien des nombres hongrois. C'est le théoricien qui était hongrois, pas les nombres. Paul Erdős, qui a écrit ceci, un mathématicien est une machine qui transforme le café en théorème. Est-ce que vous buvez du café ? Ça m'arrive, oui, de boire du café. Je ne sais pas si je les transforme beaucoup en théorème, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Ça dit quelque chose aussi, voilà, de l'esprit. Paul Erdős, c'est vraiment un mathématicien très atypique du XXe siècle, qui avait un esprit toujours foisonnant, qui a été un des mathématiciens qui a le plus publié dans sa carrière. Ce qui a d'ailleurs fait qu'on a créé un nombre qui s'appelle le nombre d'Erdős. C'est ça. Les mathématiciens ou mathématiciennes qui ont un nombre d'Erdős de 1, c'est ceux qui ont collaboré directement avec Erdős, et ceux qui ont un nombre d'Erdős de 2, c'est ceux qui ont collaboré avec quelqu'un qui a collaboré avec Erdős, et ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez votre nombre d'Erdős? Je crois que si, dans la définition stricte des nombres d'Erdős, on doit ne tenir en compte que des publications scientifiques, et dans ce cas-là, je n'ai pas de nombre d'Erdős parce que je ne suis pas dans la chaîne. Mais c'est l'infini. Mais si on tient compte des publications de vulgarisation, je crois que je dois être à 2. Ah, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Alors, justement, j'aimerais bien qu'on parle des nombres en général. C'est une idée qui semble évidente, celle de nombres, mais en réalité, elle ne l'est pas. L'enfant qui apprend à distinguer les tout premiers nombres, 1, 2, 3, voire 4, qui apprend à compter sur ses doigts, qui relie cet apprentissage à la succession, à l'itération, qui va apprendre à mesurer des longueurs grâce à des nombres, fait de façon inconsciente des opérations extrêmement complexes. Est-ce que vous savez dire quelles sont ces opérations qui sont mises en jeu dans l'apprentissage de l'idée de nombre chez l'enfant et puis chez le mathématicien ensuite? Ça se crée à la fois progressivement et puis à la fois on a déjà un certain sens du nombre qui nous est propre et qui semble un peu codé dans notre cerveau dès la naissance. Mais après, la construction qu'on va poser par-dessus et tout cet apprentissage, voilà, des différentes opérations. Alors, en général, on considère que l'opération la plus simple, c'est l'addition. On commence à, voilà, additionner, on rassemble les objets et ça crée une addition. Mais déjà ça nous paraît totalement évident. On voit ça dès qu'on est petit. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Et il a fallu des siècles, voire des millénaires, pour aboutir à la notion d'addition telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par exemple, les Babyloniens, à une époque, il y a environ 4000 ans, avaient deux additions. Deux additions selon que les deux nombres qu'on rassemblait étaient à égalité ou non. Si par exemple on a une collection de livres et qu'on rachète deux nouveaux livres, eh bien le nombre de la collection va augmenter de 2. Mais reste quand même le nombre de livres qu'il y a dans la collection ou dans la bibliothèque. Et donc, d'une certaine manière, il y a un nombre qui garde son identité et qui se voit rajouter un autre nombre à lui-même. La désignation ne change pas, il s'agit de livres. C'est ça. Mais l'effectif est augmenté de 2 dans l'exemple que vous donnez. Exactement. Et donc, les Babyloniens avaient une opération avec un nom spécifique pour désigner ce type d'addition. Et en revanche, quand on rassemblait deux quantités qui étaient à égalité l'une par rapport à l'autre, juste on en avait un certain nombre à droite, un certain nombre à gauche, on les met ensemble, et bien là c'était encore une autre addition, et donc mentalement ils ne le considéraient pas de la même manière. Et déjà c'est une étape d'abstraction que de se dire que ces deux opérations, puisqu'elles donnent le même résultat, puisque voilà, si on a 100 livres dans sa bibliothèque et qu'on en rachète 2, ben c'est la même chose que d'acheter 100 livres dans une librairie et 2 livres dans une autre librairie et de les acheter et de les rassembler tout de suite sans avoir de bibliothèque au départ. Eh bien, le simple processus, voilà, de rassembler ces deux opérations est déjà une étape d'abstraction et quelque chose qui n'est pas évident au départ. Mais si je dis un livre plus 2 livres est égal à 3 livres, j'ai l'impression de dire quelque chose d'assez évident. Mais si je dis 1 plus 1, ou plutôt 1 plus 2 est égal à 3, c'est-à-dire, si j'abstrais l'idée d'addition de l'idée de chose, pour la concentrer sur les nombres, il y a un saut dans l'abstraction là qui est extraordinaire. Et c'est encore une fois... Et qui l'a effectué ce saut pour la première fois dans l'histoire? Mais c'est encore une fois, voilà, les Babyloniens qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient des symboles différents quand ils écrivaient sur leur tablette d'argile. Ils avaient des symboles différents selon qu'ils comptaient des moutons, selon qu'ils comptaient du grain ou autre chose. Ils écrivaient ça avec des chiffres différents. Et puis, à un moment donné, on voit apparaître un système numérique qui se détache de l'objet qu'il compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin de savoir si on est en train de compter des coquillages ou du bétail ou quoi que ce soit d'autre. On sait que un objet plus deux objets, quel que soit cet objet, ça fera 3 objets. C'est-à-dire qu'on peut remonter ce saut dans la fraction dont je parle à 4000 ans dans le passé, c'est ça? C'est ça, c'est à peu près à cette époque-là que ce niveau de l'abstraction se crée. Et à mon avis, si on doit penser à un moment où les mathématiques se détachent en tant que discipline à part entière, c'est à ce moment-là qu'il faut penser, parce que c'est le moment où on crée un objet imaginaire. C'est-à-dire qu'un nombre, ça n'existe pas dans le réel. C'est un objet qui est une création de la pensée, quelque chose qui n'existe que dans nos esprits. C'est-à-dire que la nature ne sait pas compter ? Alors ça c'est un grand débat. C'est-à-dire qu'en utilisant le mot création, j'ai un peu tiqué moi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on crée les nombres ou est-ce qu'on s'empare de quelque chose qui existe de façon diffuse déjà autour de nous ? Les mathématiques sont-elles créées ou inventées ? Ça, c'est un grand débat qui est très troublant. Est-ce que vous êtes platonicien ? Est-ce que vous pensez que les mathématiques existent quelque part dans un monde idéal ? Je sais pas. Je suis un peu entre les deux. Ça dépend des jours. J'ai l'impression que j'alterne tellement c'est troublant. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, j'ai envie d'être parfaitement matérialiste, de me dire le monde, c'est ce qui est concret, c'est ce qui existe, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent. Et puis en même temps, quand on voit à quel point ces créatures qui sont sorties de nos esprits adhèrent parfaitement au réel et sont capables d'en rendre compte de façon époustouflante, c'est assez... Parce que vous-même, dans votre livre, Le théorème du parapluie, vous faites des détours dans des mondes qui semblent très abstraits et qui semblent même contredire le monde empirique. C'est ça, c'est très troublant. Et dans l'histoire des sciences, il y a une foule d'exemples comme ça de mathématiques, parce que les mathématiciens et mathématiciennes, à un moment donné, se permettent de se poser des questions juste de manière abstraite, sans avoir forcément de lien avec le réel, parce que c'est beau. Ils s'émancipent du réel et parfois, à l'issue d'un long parcours, ils reviennent dans le réel. C'est ça. Et ils inventent des théories, des choses dont ils se disent « bon, bah, ça c'est pas forcément en rapport avec notre univers ». Mais c'est joli, c'est des questions qu'on se pose, ça semble intéressant, et donc par curiosité, on va chercher des choses dans ce monde abstrait mathématique. Et puis parfois, des siècles après, on se rend compte que ces mathématiques qui ont été créées par pure invention, par pure imagination, eh bien, se retrouvent dans le monde et vont être utiles pour comprendre certains fonctionnements de notre univers. Alors, dans l'introduction de votre livre, Le théorème du parapluie, Michael Launay, vous posez une question que je me suis amusé à poser à mes proches pour voir quelles étaient les réponses possibles. La question est la suivante. Si 4 poules pondent 4 œufs en 4 jours, combien d'œufs pondent 8 poules en 8 jours? Et la réponse dominante que j'ai entendue, c'est 8. Est-ce que c'est un effet de la rime, 4-4-4, 8-8-8, ou est-ce qu'il y a des choses dans notre cerveau qui déterminent cette réponse fausse? Je pense effectivement que alors à la fois il y a la rime, puis à la fois le cerveau, quand on fait de la science, c'est normal de chercher des schémas, de chercher des choses qui se répètent, d'essayer de comprendre des motifs dans le monde et de se dire si ça fonctionne comme ça 3 fois de suite, ça va fonctionner de la même manière la 4e fois. Et donc quand on dit 4 poules, 4 œufs, 4 jours, ça semble raisonnable de dire 8 poules, 8 œufs, 8 jours. Et des fois, ça marche, ce genre de choses. C'est-à-dire que des fois, on va faire des tas d'expériences et on va se rendre compte que les schémas qu'on a compris intuitivement, eh bien, sont les bons. Et puis, des fois, ça marche pas. Et alors, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est de se dire, mais pourquoi ça marche pas? Parce que si on arrive à creuser et qu'on arrive à saisir la substance de notre erreur, eh bien, on en ressort avec une meilleure compréhension, une compréhension plus profonde des choses. En l'occurrence, pour cette énigme, eh bien, le nombre 2 est déterminé par 2 paramètres, à la fois le nombre de poules et le nombre de jours. Et donc, si on double à la fois le nombre de poules et le nombre de jours, le nombre 2 va être doublé 2 fois. Donc, on va se retrouver avec 4 fois 2 fois 2, donc 16 œufs à la fin. 8 poules pondent 16 œufs en 8 jours. Donc, plus on a de poules, mieux c'est. Et plus on attend longtemps, mieux c'est encore. Voilà. Alors, jusqu'à 100, vous dites, jusqu'au nombre 100, vous dites que la langue est additive. Et qu'après, au-delà de 100, nous basculons dans le monde de la multiplication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. En fait, il faut penser. C'est la façon dont nous nommons les nombres qui détermine ça. C'est une question de langue. C'est-à-dire que si on regarde les mots qu'on utilise et qu'on se demande à quel moment est-ce qu'on va créer un nouveau mot, à quel moment est-ce qu'on va utiliser un vocabulaire différent pour nommer un nombre. Par exemple, quand on arrive à 19, on ne dit pas 10-10, après on dit 20. Et puis, quand on arrive à 29, on dit pas 20, 10, on dit 30. Alors, il y a quelques exceptions en français, c'est-à-dire qu'après 69, on dit 70 quand même. Mais de 10 à 100, on est avec un nouveau mot tous les 10. Donc, les Suisses disent 70. Voilà, c'est ça. Octante, c'est certainement plus pertinent. On a un motif qui se répète mieux dans ce cas-là. C'est plus satisfaisant à l'esprit mathématique. Et donc tous les 10, on a 20, 30, 40, 50, 60. Donc on a un nouveau mot qui apparaît. Et puis à partir de la centaine, eh bien les nouveaux mots se mettent à apparaître avec un rythme multiplicatif. C'est-à-dire que quand on arrive à 199, on n'invente pas un nouveau mot pour le 200. On dit 200, on réexploite 2 mots qu'on a utilisés, un peu comme si pour le 20, on avait dit 210. Et puis après, on a 300, 400, etc. Et le prochain nouveau mot après 100, c'est 1000. Donc on a multiplié par 10. Et puis à partir de 1000, les nouveaux mots apparaissent tous les facteurs 1000. Donc après 1000, le prochain mot c'est million. Donc on a multiplié par 1000. Puis après le prochain mot c'est milliard, on a encore multiplié par 1000, puis billion, billiard, trillion, trilliard, etc. Donc on passe en effet de l'addition à la multiplication. Voilà. Alors il y a une loi que j'ai apprise en vous lisant, Michael Launay, que je ne connaissais pas. La loi de Benford, c'est pas une loi de la physique, c'est plutôt une loi empirique, dont vous donnez une explication après de nombreuses pages passionnantes. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette loi de Benford ? Alors c'est une loi qui dit que quand on prend des données dans le monde, à peu près dans la plupart, alors pas tous les domaines, mais vraiment un très grand nombre de domaines, dès qu'on a des listes de données, de données numériques qui apparaissent, eh bien il y en a beaucoup plus qui commencent par le chiffre 1 que par le chiffre 2, que par le chiffre 3. Et donc plus on va vers la fin, plus les données sont peu nombreuses. Il y a quasiment pas de données qui commencent par un 8 ou par un 9. Et ça peut s'observer vraiment dans notre vie de tous les jours. Vous allez au supermarché, vous regardez les prix qu'il y a sur les étagères des supermarchés, et vous allez regarder, il y a beaucoup plus de prix qui commencent par un 1. Il y a environ 30% des prix qui commencent par un 1, et puis après, il y en a environ 25 qui commencent par un 2. Et très peu par 8. Et très peu qui commencent par 8 ou par 9. Et ça, c'est valable un peu partout. Si on regarde les longueurs des fleuves du monde, c'est pareil. Prenez la liste de tous les fleuves du monde, eh bien, il y a beaucoup de fleuves dont la longueur, mesurée en kilomètres, ou en n'importe quelle unité d'ailleurs. C'est ça qui est fou, c'est que c'est indépendant de l'unité. Voilà. Eh bien, il y en a beaucoup plus qui commencent par un. Il y en a environ 30% des fleuves dont la longueur commence par un 1, puis 25% par un 2, et ainsi de suite. Et à peine 4%, je crois, par un 9. Donc voilà, c'est quelque chose qui, a priori, est surprenant. Encore une fois, c'est un peu comme le 4-4-4 et 8-8-8 des poules tout à l'heure. C'est, mais pourquoi ? Ça heurte notre intuition. On se dit, spontanément, si on nous avait demandé de faire une conjecture, de dire comment ces nombres allaient être répartis, on aurait pu penser qu'il y aurait autant de 1 que de 2 que de 3. On se dit, bon... Après tout, et dans le cas du supermarché, on pourrait se dire que c'est un stratagème par les commerçants pour faire croire que les prix sont bas. C'est ça. Alors on pourrait croire ça. Pour les fleuves, c'est moins facile. Et pour les fleuves, c'est moins facile. Et puis pour les corps célestes, c'est encore moins facile. Sur les 8 planètes du système solaire, il y en a 4 dont le diamètre commence par un 1. On commence par la Terre qui fait 12 000 et quelques. Alors là, l'échantillon n'est pas très grand. Mais si on rajoute toutes les planètes naines, tous les astéroïdes, ouais, mais si etc., on prend la circonférence au lieu de prendre le diamètre, ça marche plus. Ah, bien si, justement, si on prend la circonférence, ça se met à marcher encore. Alors peut-être pas pour c'est les planètes. 40 000 km pour la Terre. Alors la Terre, ça ne marche pas pour la Terre, mais si on prend un suffisamment grand nombre d'objets, eh bien on va se retrouver, la Terre sera une exception, et on aura la plupart des objets dont la circonférence commence par un, et 30% en fait, voilà, qui commence par un. Est-ce que c'est facile d'expliquer l'explication donnée à cette régularité bizarre ? Eh bien c'est un peu, encore une fois, ce basculement entre l'additif et le multiplicatif. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser les choses de façon additive, c'est-à-dire qu'on se dit que si on regarde les prix, par exemple, entre 10 et 20 euros, c'est tous les prix qui commencent par un 1, on se dit qu'il doit y en avoir à peu près autant qu'entre 90 et 100 euros, parce que c'est le même intervalle additif. On a 10 euros d'écart entre les deux. Et en réalité, il faut plus penser en termes relatifs, c'est-à-dire qu'entre 10 et 20 euros, on a des prix qui vont du simple au double. Donc c'est un intervalle qui est très grand d'un point de vue multiplicatif. Alors qu'entre 90 et 100 euros, eh bien, on a environ 10% d'écart. Et donc, voilà, on passe pas du simple au double. Donc, d'un point de vue multiplicatif, l'écart de 90 à 100 est plus petit que l'écart de 10 à 20. Si je vous comprends bien, vous êtes en train là d'introduire la notion d'ordre de grandeur. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, vous racontez une soirée-jeu que vous avez passée avec des amis. La question qui était posée, c'était, pouvez-vous dire quelle est la distance entre la Terre et la Lune ? Votre équipe a répondu 800 000 kilomètres. Et l'équipe adverse, mue par des arguments dont je ne connais pas la nature, a conclu bizarrement que cette distance entre la Terre et la Lune devait être seulement de 10 kilomètres. C'est ça. Évidemment, vous aviez raison plus qu'eux. Mais en réalité, quand on fait un calcul, sachant que la distance Terre-Lune vaut exactement 380 000 kilomètres, la différence entre ce que vous avez dit, 800 000 kilomètres, et ce nombre vaut 416 000 kilomètres, alors que la différence entre 380 000 km, la bonne distance, et les 10 km annoncés par l'équipe adverse n'est que de 383 990 km. Donc ils sont plus près de la réalité que vous. C'est ça. En tout cas, ils sont plus près. Que non. Alors en fait, ils sont plus près d'un point de vue additif. Et c'est vrai que c'est assez troublant. Alors j'ai appris par la suite qu'en fait, une personne dans l'équipe adverse connaissait la vraie réponse et qu'ils ont fait ça exprès pour nous piéger et pour nous avoir. Mais effectivement, quand on pense spontanément à cette question, on a l'impression que 800 000 km est une meilleure réponse que 10 km pour la réponse pour la distance Terre-Lune. Et c'est en pensant de façon multiplicative que cette réponse devient meilleure, parce qu'effectivement, 800 000, c'est environ deux fois trop grand, alors que 10 km, eh bien, c'est 38 000 fois trop petit. Donc là, clairement, d'un point de vue multiplicatif, la bonne réponse, enfin la réponse la plus proche, c'est 800 000 km. Ça vous permet d'ailleurs, dans des pages que j'ai trouvées magnifiques, d'introduire la notion de logarithme. Et tout le monde connaît le roman de Flaubert qui s'appelle Bouvard et Pécuchet, mais les gens de ma génération connaissent presque aussi bien le Bouvard et Ratinet, qui était une table de logarithmes qu'on distribuait aux élèves des classes préparatoires. À partir de la fin du 19e siècle, moi j'étais étudiant dans les années 70, on utilisait cette table de logarithmes pour faire des calculs, et elle a complètement disparu, grâce à l'arrivée des calculatrices. Voilà. Mais qu'est-ce que cette table permettait de faire de façon très rapide que des opérations à la main ne permettaient pas de faire? Bah, c'est assez merveilleux parce que cette invention des logarithmes, c'est d'une certaine manière un pont. Je parlais tout à l'heure de la jubilation que peut provoquer le moment où on crée des ponts entre deux mondes qui paraissent différents. Et ça crée un pont entre la pensée additive et la pensée multiplicative. Et les logarithmes, c'est une opération qui permet de transformer d'une certaine façon les multiplications en addition. C'est-à-dire quand vous avez vos tables de logarithmes, c'est des livres dans lesquels il y a des tableaux de nombres. Et quand vous avez une multiplication à faire, il suffit de regarder les nombres correspondants et de faire l'addition à la place de la multiplication. Et vous obtenez votre résultat de cette manière-là. Et évidemment, les additions, c'est beaucoup plus facile à faire à la main que les multiplications. Et comme à l'époque, eh bien, où les logarithmes ont été inventés, où ces tables ont commencé à se répandre, eh bien, les calculatrices électroniques n'existaient pas. Ça faisait gagner un temps fou aux astronomes, aux scientifiques, parce que des fois, ils avaient des journées, voire plusieurs journées entières de calculs à faire pour aboutir à leur résultat. Et voilà, c'est Laplace qui a dit que les logarithmes avaient doublé le temps de vie des astronomes, voilà, grâce à cette invention qui permettait de faire en quelques heures des calculs qui sinon auraient pris des journées entières. Et cette table écrite par Bouvard, enfin calculée, on pourrait dire, par Bouvard et Ratinet, c'est plus vendu que le Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Oui, c'est un best-seller. J'ai pas les nombres de ventes, mais c'est vrai que tous les écoliers avaient ça à une époque. Alors, si vous le voulez bien, Michael Lenné, on va parler un peu de montagne. Quand on demande dans des jeux en soirée ou ailleurs, quel est le plus haut sommet du monde, tout le monde répond l'Everest et avance la hauteur de cette montagne qui est de 8848 mètres. Et vous dites que non, le sommet le plus haut, c'est le Chimborazo, qui est un volcan. Qui culmine à 6263 mètres, donc il est plus bas que l'Everest, mais en fait il est plus haut. Ça dépend du point de vue. C'est aussi ça, quand on parlait tout à l'heure de regarder le monde dans le bon sens, c'est parfois, comme pour l'addition ou la multiplication, parfois, eh bien, en science, on a le choix entre plusieurs choses, entre plusieurs définitions, entre plusieurs façons de regarder le monde. Et en particulier, comment est-ce qu'on définit l'altitude d'une montagne? La convention habituelle qui est faite, c'est de regarder par rapport au niveau de la mer. Et selon cette définition-là, effectivement, l'Everest est la plus haute montagne du monde. Mais voilà, rassuré. Mais pourquoi faire ce choix? Pourquoi vouloir mesurer à partir du niveau de la mer? Pourquoi ne pas dire, par exemple, qu'on va mesurer la distance depuis le centre de la Terre? D'une certaine manière, ça peut sembler plus objectif, parce que le centre de la Terre, c'est déjà, il est fixe, c'est le même pour tout le monde, alors que le niveau de la mer monte, la mer descend, comment est-ce qu'on le fixe? Il y a des calculs à faire. Si la Terre était vraiment ronde, il n'y aurait pas de différence, mais la Terre n'est pas tout à fait ronde, elle est très légèrement boursouflée à l'équateur et aplatie au pôle. Elle est quand même pas plate. Non, elle n'est pas plate, elle est quasiment ronde. En fait, à l'œil nu, on ne voit quasiment pas la différence. Mais cette différence est quand même suffisamment importante pour que les montagnes qui se situent au niveau de l'équateur bénéficient de cette boursouflure qu'il y a au niveau de l'équateur. Il se retrouve plus haut. Donc le volcan de Chimborazo est quasiment à côté de l'équateur. Il est proche de l'équateur, donc il est plus loin du centre de la Terre que l'Everest, qui est loin de l'équateur. De 2 km, hein, donc c'est quand même pas mal. Il est 2 km plus loin que l'Everest du centre. Alors faisons l'expérience de pensée. Imaginons qu'on construise un aqueduc entre le sommet de l'Everest et le sommet du Chimborazo. Dans quel sens va couler l'eau? Dans quel sens? Alors de l'Everest vers le Chimborazo ou l'inverse? Elle va couler de haut en bas, mais quel est le haut, quel est le bas, quel est le plus haut dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, ce qui est pertinent, c'est la notion de gravité, c'est de savoir quel est le bas d'un point de vue de l'attraction qu'exerce la Terre sur les fluides, et en particulier là sur l'eau. Et de ce point de vue-là, eh bien, il faut suivre le niveau de la mer, parce que le niveau de la mer, comme la mer est composée d'eau, justement, suit cette forme-là. Et donc, l'eau va bien couler depuis l'Everest jusqu'au Chimborazo. D'habitude, quand on descend un fleuve, quand on est en bas du fleuve, on est plus bas que à la source du fleuve. C'est ça. Mais dans le cas du Mississippi, c'est l'inverse. En le descendant, on grimpe. Ben, c'est un peu le même exemple. C'est-à-dire que le Mississippi, il se rapproche de l'équateur. Et donc, il se rapproche. Alors, en coulant, évidemment, il se rapproche du niveau de la mer. C'est-à-dire que si on mesure l'altitude avec le niveau au-dessus de la mer, eh bien, sa source est plus élevée que son embouchure. Mais au contraire, si on regarde du point de vue de la distance au centre de la Terre, eh bien, en se rapprochant de l'équateur, il monte sur cette boursouflure de l'équateur. Et donc, le Mississippi s'éloigne du centre de la Terre en coulant, ce qui est totalement contre-intuitif. Elle coule vers le haut. Elle coule vers le haut, si on définit le haut de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, Michael Launay, le paradoxe du littoral ? Alors ça, c'est aussi quelque chose... auquel vous consacrez de nombreuses pages qui sont absolument fascinantes. C'est aussi quelque chose qui est très étonnant, parce que c'est le genre de question, des fois on se pose des questions en science. Et en science, ce qui est important, c'est pas forcément toujours d'apporter des réponses, c'est important, mais c'est aussi de se poser les bonnes questions. Et des fois, il y a des questions dont on se dit qu'elles sont pertinentes, qu'elles sont légitimes, et puis plus on creuse le sujet, plus on se dit mais en fait, je comprends pas ce que voulait dire ma question au départ, et le monde nous dit que c'est plus compliqué que ça. Et le paradoxe littéral, c'est ce qui nous arrive dessus quand on se pose la question combien mesurent les côtes. Les côtes, alors ça peut être les côtes de la côte atlantique française ou les côtes de Grande-Bretagne, pour reprendre l'exemple. Ou bien une frontière entre deux pays. Alors, on peut se dire que la question est bien posée. Il faut bien que cette côte ait une longueur. Donc, il faut aller la mesurer. Il faut envoyer des topographes prendre des mesures sur le terrain. On va trouver une réponse qui sera claire et précise. Et puis, c'est plus compliqué que ça, parce que les côtes, souvent, elles sont très emberlificotées. Elles sont pleines de petits détails. Il y a des falaises qui font des détours. Il y a des rochers. Il y a des plages avec plein de détours et de circonvolutions. Alors, on se dit, quand on envoie des topographes faire des mesures, eh bien, on va pas faire le détour de chaque rocher, on va pas tourner autour de chaque petit rocher qui fait la plage. À un moment donné, il faut bien faire une approximation. Et on pourrait espérer que si on ignore tous les détails qui font moins de quelques dizaines de mètres, disons, et qu'on coupe tout droit, on va obtenir une bonne approximation. Mais le problème, c'est que les détails, plus ils sont petits, plus ils sont nombreux. Et donc, si on mesure un littoral en ignorant, par exemple, tous les détails qui sont plus petits que 10 km, on va trouver une réponse, on va trouver une valeur pour la longueur de la côte. Et puis, si on se met à compter ces détails, on va trouver une valeur très différente. Et puis, par contre, si on ignore les détails qui font moins de 10 mètres, eh bien, on va à nouveau trouver une réponse. Et puis, si on fait quelque chose de plus précis et qu'à nouveau on compte ces détails, on va trouver une réponse très différente et de plus en plus grande. Et ce que nous dit le paradoxe littéral, c'est que en réalité, quel que soit le niveau de détail où on ira, eh bien, on sera toujours loin du résultat. D'une certaine manière, les côtes ont une longueur infinie parce qu'elles s'emberlificotent tellement, elles s'entortillent tellement sur elles-mêmes que même les détails de quelques centimètres, ils sont tellement nombreux que ça compte beaucoup finalement. En fait, c'est une situation dans laquelle le résultat de la mesure dépend de l'instrument de mesure. C'est ça. De la résolution spatiale avec laquelle on considère le problème. Exactement. On ne peut pas faire autrement que d'ignorer certains détails quand on fait cette mesure. Et ça influe énormément sur le résultat. Donc, les côtes et les frontières n'ont pas vraiment de longueur. En tout cas, ça dépend d'un choix humain. Alors, qu'est-ce que vous appelez le théorème du parapluie, qui est le titre de votre ouvrage? C'est un théorème que vous avez inventé? Non, c'est pas vraiment un théorème. C'est plus un principe général qui s'utilise dans plein de domaines. C'est un peu une métaphore du changement de point de vue. Comme on parlait tout à l'heure du changement de point de vue entre additif et multiplicatif, et le logarithme qui fait ça. Ou le changement de point de vue selon l'altitude qu'on mesure. En fait, quand on veut aller d'un point A à un point B et qu'il pleut, eh bien, quelque chose. On a un processus en trois étapes. C'est première étape, on ouvre son parapluie. Deuxième étape, on marche. Et puis troisième étape, on ferme son parapluie. Et ça nous permet d'aller du point A au point B sans être mouillé, donc à l'intérieur du monde particulier que nous a ouvert le parapluie. Donc on se débarrasse de certaines contraintes par une astuce, le parapluie, la contrainte c'est la pluie. C'est ça. Et à la fin, on se retrouve dans un paysage qui peut être complètement différent. C'est ça, on a pu faire notre chemin, on a pu aller là où on voulait, dans des bonnes conditions, grâce à cette mise en condition. Et donc c'est une métaphore qui s'utilise dans plein de contextes, et en particulier on peut dire que les mathématiques sont le parapluie de la science, c'est-à-dire que si on a un problème sur le réel, eh bien on va commencer par le modéliser mathématiquement, par rentrer dans ce monde abstrait, ce monde imaginaire des mathématiques, où on va pouvoir considérer que les planètes sont des sphères parfaites, où on va pouvoir considérer que les montagnes vont avoir une altitude par rapport à un certain niveau bien défini. Et puis, une fois qu'on a fait cette modélisation, on peut faire tous nos calculs et tout est plus simple d'une certaine manière parce que le monde est atrocement compliqué. Mais dans les mathématiques, eh bien, on a suffisamment simplifié le problème pour pouvoir faire nos calculs. Et puis une fois qu'on les gens diront que c'est l'inverse, hein, que les mathématiques sont plus compliquées que la vie réelle. Mais bon, qu'est-ce qui a inventé le parapluie ? Je ne parle pas du théorème du parapluie, mais le parapluie en tant qu'objet. Ah, le parapluie en tant qu'objet, on ne sait pas précisément d'où ça vient, mais je raconte dans le livre l'histoire du premier homme. C'était un voyageur homme d'affaires qui dans Londres a été le premier à utiliser un parapluie et qui a fait que ça s'est répandu après et qui a été beaucoup moqué et en particulier il a subi pas mal d'attaques de la part des cochers parce qu'à l'époque c'était le seul moyen de se déplacer sans être mouillé sous la pluie et donc du coup il a dit avec cette invention il va détruire notre business. Et donc voilà, il a été beaucoup raillé au début avec son parapluie. Ça paraissait un peu ridicule. Et puis peu à peu, les gens se sont rendus compte que c'était bien pratique. Donc des fois, il faut pas avoir peur du ridicule aussi pour avancer et pour inventer des choses nouvelles. Est-ce que vous appelez, Michael Launay, le principe du parapluie ou le théorème du parapluie, est-ce que c'est pas pour les physiciens l'équivalent de ce qu'ils appellent eux une expérience de pensée? C'est-à-dire, on se met en dehors de la réalité empirique, on imagine qu'une certaine loi est vraie. Et on regarde ce que donnerait cette loi, ce qu'elle impliquerait dans une situation qu'on ne peut pas expérimenter, mais qu'on peut imaginer. Mmh. Et ça permet de tester la cohérence des théories physiques, et même parfois de découvrir de nouvelles lois. Mais finalement, est-ce qu'une expérience de pensée en physique, c'est pas déjà un petit peu une première entrée dans un monde mathématique? C'est-à-dire que dès qu'on commence à être dans la pensée et dans l'abstraction, et qu'on se dit... Qu'est-ce qu'on observerait si le monde était comme ça, finalement? Eh bien, effectivement, ça nous permet de simplifier mentalement, ou en tout cas d'avoir un certain modèle mental, et d'aller plus droit au but, disons, de penser de façon... C'est-à-dire, on trouve une sorte de stratagème intellectuel pour faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre immédiatement. C'est ça, voilà. Alors, on va se reposer un peu les méninges, si vous voulez bien, en écoutant de la musique, et vous avez choisi un morceau, une chanson de Juliette qui s'intitule « Les doigts dans le nez ». Tu me dis mon amour plus de 20 fois par jour que ce n'est pas élégant et très peu ragoûtant. Mais vois-tu ces ballots, je ne suis pas comme il faut et je peux pas m'empêcher à longueur de journée mettre mes doigts dans mon nez. J'ai malgré moi bien trop d'émoi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour ne pas céder aux voluptés de mes doigts et de mon nez. Mon amour, je l'avoue, j'aime ce doigt de mystère, ambigu, sans tabou. Ce plaisir nécessaire doit rester une affaire solitaire, autrement c'est vulgaire. Pour autant, je le fais pas en secret dans le noir, et l'on me surprend parfois avec ou sans mouchoir sur scène à la télé, égaré quelques doigts dans mon nez. Malgré moi, bien trop de moi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour ne pas céder aux voluptés de mes doigts et de mon nez. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Michael Launay, les doigts dans le nez de Juliette. Étrange choix. Ah oui, non, mais déjà, j'adore cette chanteuse en général et puis cette chanson parce que d'une certaine manière, ça correspond un peu à ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire, des fois, il faut pas avoir peur du ridicule et des fois, il y a des conventions qui nous interdisent de faire certaines choses où on a toujours fait ça comme ça, où il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Et puis des fois, ben pour trouver des choses nouvelles, que ce soit dans son nez ou en science, il faut oser faire des choses que les gens ne veulent pas qu'on fasse. Je voudrais revenir brièvement, si vous voulez bien, à cette notion d'addition qui est quand même une chose étrange. Si je verse une casserole d'eau à 10 degrés dans une casserole d'eau à 20 degrés, je n'obtiens pas de l'eau à 30 degrés, ce qui est dommage parce qu'on pourrait se chauffer très facilement. Ça veut dire que les degrés en question, qui sont des degrés Celsius, ne comptent rien, ils mesurent, mais quoi ? Pourquoi est-ce que les températures ne s'ajoutent pas? Ben c'est ça, en fait, c'est un peu ce qui est merveilleux avec les nombres, c'est que peu à peu, plus on avance, plus ça se détache vraiment de l'idée intuitive qu'on pouvait s'en faire au départ. Alors au début, effectivement, on disait tout à l'heure que pour les Mésopotamiens, on comptait d'abord des objets, puis on s'est rendu compte à un moment donné que les opérations ne dépendaient pas du nombre du type d'objet qu'on considérait. C'est-à-dire que 2 plus 3 est égal à 5, peu importe que ce soit des moutons, des crayons ou quoi que ce soit. Et puis, dans l'esprit des nombres qu'on continue d'avoir encore aujourd'hui, on s'imagine que même si le nombre est détaché de ce qu'il compte, eh bien, il compte quand même quelque chose. C'est-à-dire que quand on fait 2 plus 3 égale 5, on veut dire implicitement que 2 quelque chose plus 3 quelque chose égale 5 quelque chose, quel que soit ce quelque chose. Eh bien, en fait, c'est pas le cas. Et c'est ça qui est merveilleux avec les nombres, c'est qu'on peut s'en servir dans des contextes même où ça ne compte rien. Mais c'est du gâchis. Et quand on dit 10 degrés, eh bien, il n'y a pas dit quelque chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas isoler dans de l'eau à 10 degrés. Voilà le premier degré, voilà le deuxième, voilà le troisième. Alors effectivement, on pourrait se dire, utiliser des nombres dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est comme quand on utilise des nombres pour numéroter les maisons dans les rues ou pour certains contextes. Ou les numéros de sécurité sociale ou de code de carte bleue, ça ne compte pas. C'est ça, ça ne compte rien. On les ajoute pas d'ailleurs. On pourrait utiliser des lettres à la place. C'est comme, on pourrait faire comme pour les notes de musique. On les appelle pas les notes 1, 2, 3, 4, 5. On les appelle do, ré, mi, fa, sol. Eh bien, il y a plein de contextes où on utilise des nombres, où finalement on aurait pu donner d'autres noms et ne pas utiliser des nombres. Donc un nombre qu'on utilise simplement pour coder n'est pas un nombre qui compte en général. Alors en général, ce n'est pas un nombre qui compte, mais il y a des contextes quand même où, même si ce ne sont pas des nombres qui comptent, ça reste pertinent d'en faire des nombres et d'utiliser le concept de nombre parce que on peut faire de l'arithmétique avec. Et en particulier, dans le cas des températures, effectivement, quand on rassemble de l'eau à 10 degrés et de l'eau à 20 degrés, eh bien, on n'obtient pas de l'eau à 30 degrés, mais on obtient de l'eau à 15 degrés. Et 15, ça si les volumes sont les mêmes. Si les volumes sont les mêmes. Et 15 degrés, c'est la moyenne des deux. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, on n'a pas une addition, mais on a une moyenne. Et ça reste donc pertinent parce que on peut faire de l'arithmétique, on peut faire des calculs avec et on peut donc créer des modèles mathématiques pour comprendre comment on va trouver une certaine température à partir d'autres températures. Alors dans un chapitre de votre livre, lui aussi consacré au nombre, vous expliquez que votre livre, celui que j'ai sous les yeux, Le théorème du parapluie, en fait il existait déjà quelque part. Il existait dans une bibliothèque, disons mathématique, qui contient tous les livres possibles, sans être elle-même infinie. Ça veut dire que les capacités de création d'un auteur, qu'il s'agisse de littérature, de science ou d'autre chose, sont limitées. Sont limitées, c'est ça. Quand on utilise le mot infini d'une manière générale dans le langage de tous les jours, on veut souvent dire immense ou gigantesque, mais en réalité, il y a très peu de choses qui sont vraiment infinies. Et en particulier, voilà, si on pense à un livre, disons même un livre qui va faire 500 000 caractères, c'est déjà pas mal. Eh bien, chacun de ces caractères n'a qu'un nombre déterminé de valeurs. Ça peut être une des 26 lettres de l'alphabet. Ça peut être un signe de ponctuation, ça peut être une espace, ça peut être voilà quelques symboles. Disons qu'il y a 50 symboles au maximum. Et donc, vous écrivez un livre de 500 000 signes, dont chacun de ces 500 000 signes est un de ces 50 symboles. Eh bien, pour connaître le nombre total de livres qu'il est possible d'écrire dans ces conditions, eh bien, on fait une opération, c'est une puissance, c'est 50 à la puissance 500 000. Et ça donne un nombre qui est très grand, qui est absolument gigantesque, mais qui n'est pas infini. Donc, le nombre de livres de moins de 500 000 signes, eh bien, est un nombre fini. Et donc, on pourrait imaginer une bibliothèque gigantesque. Alors, une bibliothèque si grande qu'elle ne tiendrait pas dans l'ensemble de l'univers visible. Donc, c'est vraiment un nombre qui est très grand, qui est assez inaccessible à notre imagination. Mais ça reste fini, et donc c'est assez troublant de se dire ça, de se dire que toute l'imagination dont on peut faire preuve, ne produit que des choses qui existent déjà, en théorie, dans cette bibliothèque infinie. Dans cette bibliothèque non finie, justement. Je n'ai pas repéré de coquille dans votre livre, mais s'il y en avait, elle serait déjà corrigée quelque part. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça, voilà. quel que soit le livre auquel vous pouvez penser, il existe déjà dans cette bibliothèque-là, cette bibliothèque virtuelle. Et d'une certaine manière, on peut même penser à ça pour toutes les créations humaines. Donc toutes les musiques, que dans la mesure où maintenant on peut numériser en plus, les musiques, on numérise les images, les photos, tout. Eh bien, tout ça, ça correspond à assigner un nombre à toutes ces créations. Et ces nombres sont toujours des nombres finis. Alors, il y a un grand mathématicien, logicien, que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre, qui s'appelle Bertrand Russell, qui a eu le prix Nobel de littérature, ce qui n'est pas donné à tous les mathématiciens, qui disait ceci, en mathématiques, on ne sait jamais très bien de quoi l'on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Pas très encourageant. Ça, c'est assez troublant parce qu'au contraire, en général, ça va contre l'intuition, contre le préjugé en tout cas qu'on a sur les mathématiques, où on se dit les mathématiques c'est quelque chose de très précis, de très rigoureux et donc on sait de quoi on parle. S'il y a bien un endroit où on sait de quoi on parle, c'est en maths. Et finalement, ce que nous dit Russell, c'est que c'est le contraire et que le fait de ne pas savoir de quoi on parle, c'est non seulement une caractéristique, mais c'est vraiment l'identité même des mathématiques. Et ça se voit, on parlait justement à l'instant de l'addition et des nombres des Mésopotamiens. Eh bien, quand on dit 2 plus 3 égale 5, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est ça qui fait la puissance de cette idée, de cette pensée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est en train de compter des crayons ou si on est en train de compter des sièges, des livres ou quoi que ce soit. Ou si on est en train de pas compter quoi que ce soit du tout, d'ailleurs. Si on se débarrasse des questions d'ontologie, de savoir de ce qui existe vraiment. Voilà, on est dans un monde abstrait dans lequel on a des objets abstraits avec lesquels on a certaines règles du jeu. D'une certaine manière, il y a beaucoup de jeux de société qui ont suivi cette règle. C'est-à-dire qu'on a, certains jeux qui sont très proches du réel, où on a des petits pions qui ressemblent à des petits personnages et où on va recréer une situation réelle. Et puis après, on a des jeux comme les échecs où ça devient un peu plus abstrait. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des règles du jeu, puis on continue d'avoir des pions. Il y a le cavalier, donc on fait encore le rapport avec un cheval. Puis il y a les pions, on s'imagine que c'est des petits soldats. Puis après, il y a d'autres jeux où on a juste des pions. Et puis certaines règles du jeu, et on n'a plus besoin d'accrocher ça à une situation réelle en se disant « Ah, les pions, c'est des petits soldats. » Il n'y a plus d'incarnation. Il n'y a plus d'incarnation. Bien, d'une certaine manière, les mathématiques ont aussi suivi cette voie. C'est-à-dire que pour certaines mathématiques, eh bien, on a juste des objets abstraits avec lesquels on applique certaines règles, on s'amuse et on essaye de résoudre certains grands problèmes sans avoir forcément un rapport immédiat avec le réel. Mais alors comment vous expliquez que des mathématiques dont vous dites qu'elles s'éloignent de l'incarnation, qu'elles visent l'abstraction, soit aussi efficace pour dire le monde tel qu'il est justement. Chez les physiciens, par exemple, je ne dis pas que les physiciens utilisent toutes les mathématiques, mais en tout cas, toutes les théories très efficaces d'aujourd'hui, la mécanique, la relativité restreinte dont on reparlera, la relativité générale, la mécanique quantique, la théorie des champs, sont des formalismes dont l'essentiel s'écrit mathématiquement. Et ces formalismes permettent de saisir des éléments de réalité qu'on n'aurait pas pu détecter si on n'avait pas les équations permettant d'affirmer qu'ils existent. C'est ça, et ça c'est quelque chose de très troublant, je l'explique pas vraiment, c'est juste quelque chose qu'on constate tous les jours et qui est absolument merveilleux, et on se dit mais comment ça se fait, et justement, oui, que ces mathématiques qui sont créées de manière déconnectée du réel. Un des exemples classiques, c'est la forme des trajectoires des planètes autour du Soleil, qui sont des ellipses, donc des cercles un peu aplatis. Et les ellipses font partie de la famille géométrique de ce qu'on appelle les ovales. C'est-à-dire, on prend un crayon, on trace quelque chose qui se referme, qui ressemble à une patate ou n'importe quoi, ou un œuf, quoi que ce soit. Eh bien, on a un ovale. Et parmi tous les ovales, il y a une famille très précise qu'on appelle les ellipses et qui ont été étudiées dès l'Antiquité parce que c'est les formes qu'on obtient quand on prend un cône et qu'on le tranche en diagonale. Donc là, les ellipses font partie de la famille des coniques pour cette raison-là. Et ça a été étudié déjà, notamment par Archimède, et voilà, pour des raisons purement géométriques. Et puis un jour, on se rend compte qu'effectivement, notamment avec Kepler, que les trajectoires des planètes autour du Soleil suivent des ellipses. Et c'est pas n'importe quel ovale, c'est vraiment ces trajectoires-là très précises. Et il se trouve que parmi tous les ovales, les ellipses sont celles qui s'expriment de manière le plus économique et le plus élégante en mathématiques. Alors pourquoi ? Après, c'est une question... Est-ce que ça n'invite pas à considérer que le vrai réel est mathématique, justement ? Peut-être. Assez souvent, les physiciens utilisent dans leur théorie des concepts mathématiques déjà définis par d'autres. Parfois sans le savoir. Par exemple, Heisenberg, un des pères fondateurs de la physique quantique, il a réinventé le calcul matriciel sans savoir qu'il avait déjà été formalisé de façon très rigoureuse par des mathématiciens. Il l'a réinventé pour les besoins de ses propres causes. Oui, et les exemples comme ça, il y en a vraiment une foule, et c'est très bon. Après, est-ce que les mathématiques sont plus réelles que ce que l'on appelle le réel d'une certaine manière? C'est une question assez à laquelle j'ai pas de réponse, en tout cas. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est juste cette proximité entre les mathématiques abstraites et le monde réel. Après, en général, les modèles mathématiques jusque-là finissent toujours à un moment donné par montrer une petite faille qui oblige à créer un autre modèle. C'est-à-dire que voilà, les ellipses que suivent les planètes autour du Soleil, eh bien, on s'est rendu compte après que finalement, en mesurant de manière encore plus précise, eh bien, c'est pas tout à fait ça. Notamment l'histoire de la trajectoire de Mercure autour du Soleil, qui ne suivait pas exactement les lois de Newton. Donc, et alors l'écart est vraiment infime, hein, c'est-à-dire qu'on se dit c'est fou quand même que ça marche aussi bien, mais à un moment donné, ces lois mathématiques sont quand même remises en cause. Et alors, elles sont remplacées par d'autres lois qui sont encore mathématiques. Mais voilà, donc ce rapport est ambigu. Il y a parfois, ça marche redoutablement bien. Mais il y a toujours... Quand il y a un petit désaccord entre une loi et puis ce qu'on mesure ou ce qu'on observe, soit la loi doit être changée parce qu'elle est fausse, soit au contraire, il faut imaginer que dans le réel, empirique, il y a des choses que nous ne voyons pas qui, si elles existent, rétablissent l'accord. On peut pas savoir à l'avance laquelle de ces deux voies est la bonne. C'est ça. Il y a les deux exemples un peu classiques, c'est de, voilà, justement dans le système solaire, à un moment donné, donc quand on découvre quand Herschel découvre la planète Uranus, on se met à l'étudier, on regarde sa trajectoire et puis on se rend compte que finalement elle suit pas bien les lois de Newton. Elle s'en écarte un petit peu. Donc là, la question, on est face à une contradiction. En tout cas, le réel ne dit pas la même chose que la théorie. Alors, est-ce que c'est la théorie qui est fausse ou est-ce que c'est le réel que l'on n'a pas assez bien observé, d'une certaine manière? Ça peut pas être la théorie, parce que Newton est un dieu. Alors, ça peut pas... Alors, en tout cas, on peut faire ce pari-là. C'est-à-dire, on peut se dire, mais la théorie est tellement belle, la théorie est tellement élégante, elle a produit tellement de résultats exacts jusque-là, elle nous a tellement aidés, elle nous a tellement permis de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant, que on peut pas se résigner à la jeter. Donc on va continuer à observer le réel, on va se dire, est-ce que finalement on peut pas la garder sous certaines conditions? Et c'est comme ça qu'on commence à émettre l'hypothèse que peut-être il y a une autre planète, une huitième planète après Uranus, et que la déviation entre le réel et la théorie viendrait de cette planète qui perturbe la trajectoire d'Uranus. Et donc c'est Urbain Le Verrier va réaliser des calculs, va calculer de façon théorique où cette huitième planète devrait se trouver. Et puis il indique cette position, et puis on braque un télescope vers cette position dans le ciel et on observe effectivement une planète. Enfin, quand il présente ses calculs à l'Académie des sciences à Paris, on se moque de lui. Donc il écrit à son ami Gall qui habite à Berlin et qui fait observation le soir même du jour où il a reçu les calculs et découvre Neptune, enfin la planète qu'on va appeler plus tard Neptune. C'est ça, et c'est redoutable parce que c'est rare de trouver quelque chose avec autant de précision. C'est vraiment, il braque son télescope et ça aurait pu prendre des nuits à la. Il dira d'ailleurs que c'est une planète qu'il a découverte mathématiquement. Voilà, il a découverte de. Mais par la suite, les mêmes observations sont faites sur la planète Mercure, qui cette fois est la plus proche du Soleil, et on voit une toute petite anomalie qu'on ne pourra comprendre que grâce à la théorie d'Einstein la gravitation, la relativité générale en 1915. Ouais. Mais avant, je voudrais qu'on parle, parce que j'ai trouvé vos pages dans le théorème du parapluie qui sont consacrées à la théorie de la relativité, très éclairantes. Il y a eu plusieurs émissions de la conversation scientifique consacrée à la théorie de la relativité, mais on l'avait jamais présentée comme vous le faites dans votre ouvrage. Vous dites par exemple... La théorie de la relativité restreinte, celle de 1905, publiée par Einstein, elle est très simple. Elle dit que tout va à la vitesse de la lumière tout le temps. Ce qui est une façon singulière de la présenter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exactement. En fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que quand on fait de la science, c'est bien d'avoir des résultats qui marchent, mais c'est aussi satisfaisant intellectuellement d'avoir une présentation élégante qui nous fait comprendre en quelques mots comment ça fonctionne. Et pour comprendre cette théorie de la relativité en quelques mots, en tout cas les principaux aspects de cette théorie, il faut considérer l'espace-temps tel que l'a considéré Hermann Minkowski juste après que Albert Einstein ait publié sa. Alors Minkowski, c'était le professeur d'Einstein à Zurich. C'est ça. Qui considérait qu'Einstein était un âne. Il avait même refusé de lui faire une lettre de recommandation tellement il le trouvait marginal et peu travailleur. Et puis en 1907, il a changé d'avis. Il a élaboré une théorie de l'espace-temps qu'Einstein lui-même n'avait pas formulée. Qu'il n'avait pas formulée. Alors, cette théorie-là, techniquement, n'apporte aucune information nouvelle par rapport à ce qu'avait formulé Einstein, mais elle donne une formulation qui rend les choses plus élégantes. Un cadre. De considérer un cadre, l'espace-temps, comme étant un bloc en quatre dimensions. Donc, on a notre espace qui est en trois dimensions, et on rajoute la dimension temporelle, et on va considérer ça comme un bloc. Et effectivement, si on formule la théorie de la relativité dans cette restreinte, dans ce contexte-là, eh bien, on en arrive à la conclusion que tous les objets de l'univers vont à la vitesse de la lumière tout le temps. Alors comment ? On peut se dire, là, on est assis dans des fauteuils, on n'a pas l'impression d'aller à la vitesse de la lumière. Mais en réalité, on n'est pas immobile, même quand on a l'impression d'être immobile, parce qu'on se déplace tout le temps du passé vers le futur. On est immobile selon les trois directions spatiales, mais on est en mouvement tout le temps dans la direction temporelle. Vous voulez dire qu'on vieillit d'une seconde toutes les secondes ? C'est ça, on vieillit d'une seconde toutes les secondes. Et ça, ça nous projette à 300 000 km par seconde. Et c'est exactement ce que dit Minkowski, c'est que quand on est dans cet espace-temps, le taux de conversion, c'est une seconde égale 300 000 km. C'est-à-dire que pour convertir de l'espace en du temps, eh bien, si vous avez 300 000 km, ça fait une seconde et vice-versa. Donc, là, vous si jouez vous un avez... peu avec les mots, parce qu'une vitesse, dans le langage courant, c'est une vitesse dans l'espace. Voilà. Et non pas dans l'espace-temps. Alors, ça demande effectivement d'élargir, mais c'est aussi quelque chose qu'on aime beaucoup faire en science. C'est Henri Poincaré qui disait faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Donc, c'est à un moment donné, on a des mots du langage courant qu'on utilise dans certains contextes, et puis à un moment donné, on se dit, mais ce mot-là, et si je lui donnais un sens plus large, est-ce que ça donnerait pas des formulations plus élégantes? Et donc là, effectivement, le mot vitesse va être élargi. On continue d'utiliser le mot vitesse pour appeler quelque chose qui est plus général que le contexte dans lequel on l'utilise dans la vie de tous les jours. Mais en élargissant le sens de ce mot-là, eh bien, on arrive à cette conclusion qui est absolument claire. C'est-à-dire qu'on va à chaque seconde, on avance d'une seconde vers le futur. Et comme une seconde, c'est 300 000 km, eh bien, on va à 300 000 km par seconde. Et c'est valable pour tout objet dans l'univers. C'est une constante, c'est quelque chose de, c'est une loi invariante. Donc, si je trace ma trajectoire dans l'espace-temps, j'obtiens une sorte de ligne d'univers que je parcours à la vitesse de la lumière. Chaque seconde, j'avance d'une seconde à la vitesse de la lumière. C'est ce qui permet de dire que dans l'espace-temps, notre progression dans l'espace-temps se fait à la vitesse de la lumière. Exactement, voilà. Bon, alors, vous dites un peu plus loin, une autre chose qui m'a paru étrange dans sa formulation, vous dites que quand on se déplace dans l'espace, on modifie sa vitesse vers le futur. Exactement. Alors on vient de dire qu'elle était de 300 000 km par seconde. Alors si on est immobile, notre vitesse vers le futur est de 300 000 km par seconde. Mais si on commence à se déplacer, à avoir une certaine vitesse spatiale. Dans l'espace. Donc on commence, on monte sur un vélo et puis on se met à avancer. Eh bien, du coup, puisque notre vitesse globale dans l'espace-temps reste de 300 000 km par seconde, eh bien, il faut bien que ces 20 km heure qu'on va prendre en se déplaçant dans l'espace sur notre vélo, il faut bien qu'ils soient compensés quelque part. Il faut bien qu'on les prenne quelque part. Et c'est quelque part, c'est dans notre vitesse temporelle. C'est-à-dire que si on se met à avancer dans l'espace, ça va modifier notre vitesse temporelle. C'est comme si vous imaginez que vous êtes en mer sur un bateau qui file d'est en ouest, et puis la vitesse du bateau est réglée, ne peut pas changer. Vous avancez à disons, 20 km heure et vous pouvez juste tourner la barre, mais vous allez toujours à 20 km heure. Si vous décidez à un moment donné de tourner un peu la barre pour aller légèrement vers le sud, eh bien, vous irez un peu moins vers l'est, parce qu'une partie de votre vitesse sera consacrée à aller vers le sud, et vous irez donc un peu moins vite vers l'est. Eh bien, c'est la même chose. Si vous consacrez une partie de votre vitesse dans l'espace-temps, qui est de 300 000 km par seconde, à vous déplacer dans l'espace, eh bien, c'est compensé et votre vitesse dans le temps, vers le futur, va être modifiée. Donc, si je vous comprends bien, je vous laisse dans le studio, je monte sur un vélo, je pédale extrêmement vite. Voilà. Je vais donc modifier ma vitesse vers le futur en la ralentissant. Et lorsque je vous retrouverai, la différence d'âge entre nous sera devenue plus petite. Elle sera devenue plus petite, effectivement. Alors, je préfère le faire dans ce sens-là que dans l'autre. et bon, ça, c'est des pages que j'ai trouvées. Alors, pour le coup, moi, je crois pouvoir dire que j'ai lu beaucoup de livres sur la relativité, mais j'avais jamais lu cette façon de la présenter, que j'ai trouvée très éclairante. Notamment, votre démonstration de la formule d'Einstein, E égale MC2, qu'il a publiée dans une annexe de l'article sur la relativité de juin 1905. L'annexe est parue en septembre 1905. Elle fait une page et demie. Mm-hmm. Il démontre E égale MC2 à partir du principe de relativité. Vous faites une démonstration presque indépendante que j'ai trouvée éclairante et qui nous ramène à notre histoire de poule et d'œuf. Ben c'est ça. En fait, pour comprendre, j'aime bien, voilà, pour comprendre des concepts qui parfois sont un peu profonds, montrer que on peut partir d'exemples de la vie quotidienne et puis petit à petit, en y réfléchissant et en se remettant en question et en changeant de point de vue, on finit par comprendre des choses vraiment, vraiment profondes sur notre univers. Et effectivement, cette petite énigme que je donne au début du livre, dont on a parlé tout à l'heure sur les poules et les œufs, donc 4 poules pondent 4 œufs en 4 jours. Donc combien pondent 8 poules en 8 jours? Eh bien, comme on a doublé à la fois le nombre de poules et le nombre de jours, eh bien, on a doublé deux fois le nombre d'œufs. Eh bien, ça m'a ramené aussi à un petit problème que j'avais eu à l'époque où je passais le code de la route et qui concerne l'énergie, parce que E égale MC2, c'est une question d'énergie. Le E, c'est l'énergie. C'est quand on est dans une voiture qui roule, eh bien, la distance de freinage évolue comme le carré de la vitesse. C'est-à-dire, si vous allez deux fois plus vite, votre distance de freinage avant l'arrêt complet, eh bien, elle est quatre fois plus grande. Et si vous allez trois fois plus vite, votre distance de freinage, elle est neuf fois plus grande. Et comment ça se fait, ça? Eh bien, c'est comme pour les poules et les œufs. C'est parce que la distance de freinage, elle dépend de deux paramètres avant de s'arrêter. Elle dépend à la fois de la vitesse, c'est-à-dire que plus vous allez vite, plus vous allez parcourir de distance. Et elle dépend aussi du temps. C'est-à-dire que plus vous roulez longtemps, plus vous allez parcourir de distance. Si vous roulez deux fois plus vite pendant deux fois plus longtemps, vous irez quatre fois plus loin. Et donc, la distance de freinage, si vous allez deux fois plus vite, il vous faudra deux fois plus de temps pour vous arrêter. Et pendant ce deux fois plus de temps, vous allez deux fois plus vite. Donc, elle sera quatre fois plus grande. Et donc, c'est une démonstration un peu assez compréhensible, assez intuitive, de pourquoi est-ce que l'énergie évolue comme le carré de la vitesse. Et puisqu'on vient de dire que dans l'espace, dans la relativité restreinte, tout le monde va à la vitesse de la lumière, eh bien finalement, notre énergie est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. Et elle est également proportionnelle à notre masse, parce qu'effectivement, plus on est lourd, alors, plus c'est l'énergie que nous avons lorsque nous sommes sans mouvement. Parce que si on est en déplacement dans l'espace, pour le coup, il faut rajouter une énergie cinétique. Voilà. Alors après, effectivement, il y a cette compensation qui se fait, c'est-à-dire que dès qu'on se déplace dans l'espace, on a une compensation qui se fait dans notre déplacement dans le temps. Mais quand on fait quand on ajoute les deux, quand on regarde à la fois notre énergie dans la direction temporelle et dans la direction spatiale, eh bien, on retrouve la même énergie que si on était immobile. Et donc, on trouve que E est égal à MC2. Et donc, voilà pourquoi le carré. Pourquoi est-ce que... Mais elle est quand même bizarre, cette formule, parce que si on fait un calcul, on prend un gramme de matière. Oui. On multiplie par le carré de la vitesse de la lumière, on trouve une quantité d'énergie en joules qui est bien plus élevée que toute l'énergie que on va absorber par notre alimentation pendant une vie entière. C'est ça, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on mange autant? Pourquoi est-ce qu'on mange autant? Parce sachant que notre système un gramme d'épinards ou un gramme de beurre ou un gramme de chocolat, par cette formule, contient plus d'énergie que celle qui est nécessaire au fonctionnement de notre métabolisme pendant des milliers d'années. C'est toujours le problème avec l'énergie, c'est-à-dire qu'on a beau savoir qu'elle est là, c'est comment est-ce qu'on la récupère. Et notre système digestif sait récupérer de l'énergie chimique en brisant des molécules, mais ne sait pas encore récupérer l'énergie pure de qui est issue de la masse, ne sait pas réduire entièrement la masse de ce qu'on absorbe pour en faire de l'énergie. Vous êtes en train de dire que notre estomac n'est pas un réacteur nucléaire? Voilà, exactement. C'est pas la manière la plus efficace de récupérer toute l'énergie qu'il y a dans ce qu'on mange. Alors, vous savez, dans cette émission, on aime beaucoup les anagrammes, et j'en avais deux à vous proposer, à vous offrir en cadeau de Noël, si vous voulez bien. La première est en anglais, 12 plus 1, ça fait 11 plus 2. Alors, c'est vrai, oui, c'est vrai avec les nombres, mais c'est aussi vrai avec les lettres. D'accord, à condition de mettre le plus avec le signe plus et non pas avec les lettres P, L, U, S. Et puis, on a une autre beaucoup plus impressionnante, où là, plus s'écrit en toutes lettres. Elle est celle-ci, 101 moins 60 plus 15 est égal à 51 plus 11 moins 6. Ça marche avec les lettres, avec les nombres, ça vaut 56. D'accord, ça... Je vous laisse le vérifier. C'était un plaisir de vous recevoir, Michael Launay. Je recommande la lecture de votre livre « Le théorème du parapluie ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Louis Deloncle et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.